Alors, ce matin, j'amène une petite thématique. On voit une personne sur un banc. Cette personne-là est devant un cinéma. Elle attend la personne qui doit l'accompagner au cinéma. Et puis là, le cinéma, l'heure est presque arrivée, puis le temps est presque arrivé que le film commence. Puis là, elle commence à se poser des questions, elle commence à se demander... Est-ce que la personne va venir? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a invité en plus. Elle m'a dit que c'est elle qui payait le billet. Là, je n'ai même pas d'argent sur moi. Je ne pourrais même pas me rendre. J'ai fait une heure de route. Toutes sortes de questionnements. Finalement, il y a un couple d'amis qui passent devant cette personne-là. Puis, hey, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Et la personne a dit, j'attends ma compagne là, qui est censée venir m'accompagner au cinéma. Puis, elle n'arrive pas. Là, il y en a un des deux qui dit « Ah, elle fait tout le temps ça, cette personne-là, là, oublie ça, elle n'est pas fiable, elle ne viendra pas. » Puis l'autre dit « Ben non, si elle a dit qu'elle venait, elle va venir. Attends, sois patient, puis elle va arriver. » C'est deux opinions complètement différentes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Laquelle des deux qu'on choisit? Le texte de ce matin que je vais introduire tout de suite, c'est 2 Pierre 3, versets 1 à 10. Pendant que vous tournez, je veux juste vous mettre un peu en contexte. C'est quand même un peu la situation que les chrétiens recevaient. Eux attendaient le retour de Christ. Et Pierre leur dit, il va venir. N'ayez pas peur, il va venir. Puis d'un autre côté, il y avait des moqueurs qui disaient, retour, ouais non, il viendra pas. Puis tu sais, des gens qui se moquaient, là, vraiment. Alors c'est un peu... la situation qu'on a ce matin dans le texte. Je vais faire la lecture du texte. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, j'ai déjà tout préparé. Vous n'avez qu'à suivre sur le diapositive. Alors, 2 Pierre 3, versets 1 à 10. Verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau ou d'un. Ou dans d'autres traductions, on pourrait lire « formé au milieu de l'eau » et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Fait que le titre que j'ai donné à mon message, c'est « C'est certain, Christ revient ». Le texte est très clair quand on considère autant, quand on considère, ben, je vais vous le démontrer dans mon exposé, autant qu'on considère les moqueurs, puis après ça, qu'est-ce que Paul dit, puis la contrepartie de Paul, on en vient à la conclusion. C'est certain, Christ revient. Mais souvent, on a des espèces de... nos réflexions, nos patterns, ils se mettent à virer dans notre tête, puis on a beau avoir la vérité, quelqu'un arrive avec d'autres choses, on a tendance à aller écouter l'autre, puis là, c'est là que viennent les doutes, les soupçons, les choses qui commencent à naître dans notre tête, puis là, on s'écarte peu à peu. Alors, je vais vous démontrer en 5 points les 5 erreurs qu'on peut faire, qu'on peut reproduire, qui nous amènent à douter du retour de Christ. La première, on peut limiter Dieu dans sa puissance. Ici, dans le texte, si je prends les versets 5 à 7, on a un exposé vraiment de la puissance de Dieu, de la puissance de sa parole. Par sa parole, Dieu a créé la terre. Tu sais, Dieu a dit que la terre soit, la terre fut. C'est puissant, là. Puis, j'aimerais apporter une notion du mot « créer ». On utilise ce mot-là aujourd'hui, souvent, mais on a perdu un petit peu l'essence du mot vraiment qu'on a ici dans la parole de Dieu. Le mot « créer », nous, on dit « ah, j'ai créé une chaise » ou « j'ai créé quelque chose ». On perd la notion « créer », là, c'est à partir de rien. Seul Dieu a vraiment créé. Mais là, vous pouvez me dire, bien, Éric, les ingénieurs, ils inventent des choses qui n'existent pas. Peu importe, soit dans le processus de réflexion ou dans le processus de qu'ils vont faire l'objet à quoi ils ont pensé, ils vont toujours utiliser quelque chose qui existe déjà. On peut pas, il y a seulement Dieu qui crée. Puis ça, on voit vraiment que Dieu est tout puissant par la création. Mais ici, au verset 5, il parle des moqueurs, puis il dit, ils veulent ignorer. Les moqueurs, là, ils voulaient vraiment, c'était délibéré, là. C'était pas une ignorance, je le savais pas, que c'est, hein, voyons, Dieu a créé la terre, tu me surprends, toi, là? Non, ils l'avaient déjà entendu parler, ils ont voulu délibérément ne plus y croire ou ne jamais y croire. Ils veulent ignorer que des cieux existèrent par la parole de Dieu. Ils veulent ignorer la puissance de Dieu. Quand on met de côté la puissance de Dieu, on en vient à m'amener à se dire, ben, si Dieu n'est pas tout puissant, il ne sera peut-être pas capable de revenir. On se met à douter du retour de Christ. La puissance de Dieu ne doit jamais être limitée. Ensuite de ça, il continue. C'est pas tout. Il parle qu'une terre tirée au milieu de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. C'est évident, là, c'est le déluge. Pierre y rappelle le déluge, que la terre d'avant a été submergée par l'eau. Mais ça aussi, ça a été décrété et par la puissance de Dieu, il l'a ordonné et ça l'a été. Mais eux, ils veulent ignorer ça aussi. Ils disent, tout demeure dès le commencement de la création. Tout est pareil comme depuis que le monde est monde. Les autres, ils voulaient complètement ignorer ça, là, que Dieu a créé la terre, qu'il y a déjà eu un déluge. Et puis, Pierre, il va encore plus loin. Il dit, par la même parole, au verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes. Autant que Dieu, par sa parole, a dit que la terre soit et qu'elle fût, par sa puissance, autant qu'il dit, par sa parole, il conserve la terre actuelle dans un but futur qui est évidemment son retour. Fait que si on limite Dieu dans sa puissance créationnelle, on va le limiter aussi dans sa puissance finale. Et ça va comme de pair. On ne peut pas dire, ah, Dieu a à peu près créé la terre. Ben, on va dire, il va à peu près revenir. Ça va ensemble. Il faut être cohérent. Là. Quand tu ne crois pas une chose, ben, il ne va pas dire que tu crois l'autre. Il faut vraiment s'attarder à la puissance de Dieu. Je vais vous donner un autre exemple pour. Moi, ça me dépasse que par la puissance de Dieu même, il conserve la terre. Il conserve, là, selon des spécialistes, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu un météore qui ait frappé la terre déjà. Dieu conserve, il y a un plan, il y a un but final. Il ne sera pas dépassé par les événements un jour que, whoop-a-la, il y a un météore qui s'en vient, j'espère que les humains vont faire quelque chose pour se sauver de ça. Non, c'est Dieu qui contrôle tout ça. Je parlais d'un ingénieur tantôt qui invente et qui ne crée pas. Le train a été inventé, je pense, dans les années 1800. Puis le gars qui a inventé le train, il se faisait dire qu'on mourrait par la pression de la vitesse que ça allait. Mais le premier train allait à 8 km/h. Mais l'ingénieur qui a inventé le train, là, lui, il était convaincu par ses calculs que s'il faisait aller le train plus rapidement que ça, on mourrait écrasé par la pression de la vitesse. Mais il ne se doutait pas qu'un jour, on serait rendu avec des trains qui vont à 500 km/h, je pense. Là. C'est rendu assez incroyable. Mais Dieu, lui, quand il a créé la Terre, par sa puissance, en la créant, il la réservait déjà pour sa finalité. C'est fou, la puissance de Dieu, comment c'est immense. Fait qu'il ne faut pas limiter Dieu dans sa puissance. Si on le limite dans sa puissance créationnelle, sur son contrôle sur la terre, on va le limiter dans son retour, puis on va se berner, puis on va se mettre à dire, ben, on va faire comme les moqueurs. Et où la promesse de son événement? Je ne vois pas. Puis on va commencer à faire comme eux, puis marcher dans nos propres convoitises. Ben oui, pourquoi marcher droitement si Dieu ne revient pas? Il faut vraiment considérer Dieu comme le Dieu tout-puissant. Une autre erreur qu'on pourrait faire, limiter Dieu dans sa justice. Comme le dit le verset 3, les moqueurs marchaient selon leur propre convoitise. Dans la parole de Dieu, je pense que vous le savez, c'est assez évident, c'est clair, quand on dit marcher selon nos propres convoitises, ce n'est pas marcher dans la sainteté puis marcher dans la sanctification. C'est vraiment péché. Là. La convoitise de la chair et l'affection de la chair est contraire aux affections de l'esprit. Quand on cède à nos tentations, on pêche. Quand on marche dans nos convoitises, on se convainc nous-mêmes qu'on est correct, puis finalement on pêche. Limiter Dieu dans sa justice va nous amener à croire que Christ va revenir, puis on ne voudra pas non plus qu'il revienne. Parce que si on limite Dieu dans sa justice, bien, on ne considère plus, au verset 6, le déluge. Tu sais, les moqueurs ne croyaient pas au déluge. Ils ne croyaient pas qu'il y avait eu le grand cataclysme, puis que Dieu avait jugé les hommes. Ils ne croyaient pas à la justice de Dieu. C'était évident, ils marchaient dans leur propre convoitise, ils se moquaient des chrétiens. Ils faisaient les railleries. Tu sais. Mais dans l'original, là, c'est écrit, on pourrait dire, des moqueurs avec leur moquerie. Tu sais. C'est comme un pléonasme là, pour dire à quel point que c'était, ils se moquaient vraiment, là, éperdument. Mais le déluge, il a eu lieu. Puis si on retourne dans la Genèse, pourquoi il y a eu le déluge? Dieu a dit, toutes les pensées des hommes étaient tournés uniquement chaque jour vers le mal. Ils se consacraient toujours dans leur convoitise, ils marchaient selon leur propre voie, ils marchaient dans le mal jour après jour. Dieu a décrété, je vais détruire l'homme. Par chance que Dieu est amour aussi, il a trouvé grâce aux yeux de Noé et a tout annoncé ça à Noé, puis on a pu subsister par la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas ici, là, le point, là, c'est vraiment la justice. Il ne faut pas limiter Dieu dans sa justice, sinon on va se convaincre qu'il ne reviendra pas. Mais il ne faut pas oublier que la justice n'est pas exempte d'amour. Là, vous pouvez peut-être vous dire, « Boy, Dieu, hein, on n'y est pas avec ça. » Oui, on n'y est pas avec ça, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez un enfant qui joue sur la plage. Le petit enfant, il joue avec ses seaux, puis il fait un beau château de sable. Puis il passe la journée à faire son beau château de sable. Il s'amuse, il a du plaisir. Là, il est tout content, il a un beau château de sable de fête. Il va montrer ça à ses parents. Ses parents regardent le château de sable, puis ils le complimentent, puis ils sont fiers de lui. Puis là, tout d'un coup, l'enfant saute à pieds joints dans son château de sable, puis il s'amuse en battant ses tours, puis pour lui, autant de fun que quelqu'un qui le fait. Pensez-vous vraiment que Dieu a appliqué sa justice comme ça? Il s'est appliqué avec amour à créer la terre, à créer l'homme, qu'il a mis l'homme, je veux dire humain, à son image. Puis là, il décrète, je vais détruire mon image sur terre. Ça a dû être déchirant. La justice de Dieu n'est pas exempte d'amour. C'est un petit point que je voulais spécifier. Mais ça ne veut pas dire que non plus que l'amour surpasse la justice. Il y a un équilibre que seul Dieu comprend, puis seul Dieu est vraiment au contrôle de ça. Les moqueurs voulaient oublier ça, comme on a vu tantôt. Ils voulaient ignorer que le monde d'alors périt. Mais ça les menait, oui, à ne plus croire au possible retour de Christ. Mais ils voulaient ignorer aussi que la terre actuelle, le retour de Christ, avait un but, c'était de détruire la finalité de la terre. Quand Christ revient, la terre actuelle, qui est remplie de péchés, est corrompue par le péché originel, mais remplie de pécheurs, c'est la justice de Dieu qui va s'appliquer aussi en son retour. Si quelqu'un veut marcher dans ses voies, dans sa convoitise, puis tu lui dis en pleine face, Christ revient, puis qu'il sait très bien qui est Christ et que Christ est juste, soit qu'il va se repentir de ses actions, parce que tu ne veux pas subir la colère, ou soit qu'il va dire, ben non, je ne veux pas y croire, parce que sinon ça veut dire que je suis condamné, mais moi j'aime ce que je fais, je ne veux pas délaisser ce que je fais. C'est ce que les moqueurs faisaient. Ils voulaient ignorer le retour de Christ pour continuer à marcher dans leur voie. Limiter Dieu dans sa justice nous amène à ne plus croire que Christ revient. Et puis même, on ne veut pas que Christ revienne. Quand on marche, qu'on se plaît dans le péché, on ne veut pas qu'il revienne. Parce que le retour de Christ est complètement et entièrement dépendant de sa justice. Sa justice va s'accomplir à son retour. Ça va être autant qu'elle a eu le cataclysme du déluge par l'eau, il va avoir la justice de Dieu par le feu. Mais glisser dans le doute, après ça, on change notre doute en action. Après ça, nos actions changent en conviction. Et puis là, on se berne nous-mêmes à ne plus croire que Christ revient. C'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas tomber. Il faut garder la notion que la justice de Dieu, elle est parfaite, elle est sainte, puis elle est bonne pour nous. Seul Dieu, c'est vraiment ce que nous, on a besoin. Je vais continuer avec le deuxième point qui nous amène aussi à douter du retour de Christ. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué, c'est toutes des limites qu'on impose à Dieu. On limite Dieu dans sa ponctualité. On observe au verset 4, je vais relire le verset 4, que les moqueurs disaient, « Où est la promesse de son avènement? » Juste ça, ça le dit. Elle est où? Elle n'est pas là. Je ne la vois pas. Si je ne la vois pas, ça veut dire que ça n'arrivera pas. Dieu est en retard. La promesse de son avènement n'est pas là. Il a promis qu'il revenait. Tu sais, ça, il n'arrive pas en son temps. Il est en retard. Les moqueurs, ils se moquaient des chrétiens. Comme on a vu tantôt, les moqueurs, eux, la justice de Dieu, là, les moqueurs, c'était, ils n'avaient pas. On marche dans nos convoitises. Ils se moquaient des chrétiens, eux, qui marchaient dans la sanctification. Puis ils étaient en train un peu de leur dire, puis ils se moquaient d'eux. « Ça vous donne quoi de faire ça? Marcher comme nous, dans, tu sais, regarde, la promesse de Dieu, il n'est pas là, il ne revient pas. Puis, en plus, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui va changer. » Tu sais, les raisonnements, on limite Dieu dans sa ponctualité. On se dit qu'il est en retard. Parce qu'on considère le monde, puis là on se dit, voyons donc, ça ne se peut pas que Dieu laisse aller le monde de même. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, il y a une nuance à faire. Oui, on peut espérer que Christ revienne. Oui, on a hâte de son retour parce que sa justice va s'accomplir. Sa justice va régner pour l'éternité. On va vivre en la paix incroyable. Mais il ne faut pas, se mettre à douter de Dieu. Quand on demande à Dieu, pourquoi Dieu tarde-tu? On peut être comme dans, comme découragé de voir le monde à quel point il est déchu. Mais de là à se dire, Dieu, qu'est-ce que tu fais que tu ne reviens pas? Puis que finalement, peut-être qu'il ne reviendra pas. Tu sais, c'est, la ligne est mince, hein? On est des humains, puis c'est vraiment. C'est un chemin dangereux où il ne faut pas s'aventurer, à moins d'être vraiment convaincu qu'il revienne. Là, on peut exposer notre cœur à Dieu, c'est pas ça que je suis en train de dire. Là, je suis en train de tout mêler tout le monde, finalement. On va continuer. Pierre argumente dans les versets 8 et 9. Il argumente ça. Tantôt, il disait au verset 5, « Ils veulent ignorer », mais là, il s'adresse aux chrétiens. « Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. » J'arrête ça là pour tout de suite. Là, j'espère que vous n'êtes pas là en train de vous dire, « Hey, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? 1000 ans sont comme un jour, comme un jour, comme... » Je ne parlerai pas du millénium, parce que je ne vois aucun lien avec le millénium. Ici, Pierre est en train d'exposer que pour nous, pour Dieu, le temps n'est pas du tout comme nous. Dieu a créé le temps. Il est au-dessus du temps. Il a décidé que la terre était régie par le temps. Mais Pierre est en train de faire une citation du psaume 90 de Moïse. Je vais juste le lire, je l'ai mis là, vous n'avez pas besoin de tourner. Moïse avait dit au psaume 90, je vais lire à partir du verset 2, « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Déjà là, d'éternité en éternité, nous, ça nous dépasse, le cerveau commence déjà à chauffer. « Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu dis, « Fils d'Adam, retournez à terre, car, écoutez bien, 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. » T'sais, Pierre, lui, dit, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Mais Moïse lui avait dit, 1000 ans, c'est comme hier. Il est déjà passé. Pour Dieu, là, c'est fou. Moi, juste 1000 ans, je suis pas capable de m'imaginer ça, 1000 ans. Ici, à peu près, juste Mme Labbé qui peut s'imaginer 100 ans, à peu près, c'est quoi? Moi, je peux pas m'imaginer encore. Mais 1000 ans, de dire, c'est comme hier. 1000 ans, c'est, Dieu, il y a 1000 ans, hein? Ah, tu veux dire hier. Tu sais, c'est. Dieu est au-dessus du temps. Puis nous, on impose nos limites de compréhension du temps à Dieu. Puis là, on vient qu'à se dire, on limite Dieu dans sa ponctualité à cause qu'on a une mauvaise conception du temps. On n'a pas une mauvaise conception du temps, on a une très bonne conception du temps. On sait qu'une seconde, c'est une seconde. Mais on impose le temps à Dieu, que lui est au-dessus de ça. Lui, il régit ça. Il a créé le temps. Alors, de dire où est la promesse de son avènement, en s'appuyant sur nos observations, qui sont fausses d'ailleurs, parce qu'eux disaient, il n'y a rien qui a changé depuis que le monde est monde, qui était faux. Avec nos simples observations, qu'on voit que Dieu n'est pas là, ben, on se dit, ben, il ne reviendra pas. Mais ça, là, c'est vraiment une erreur de limiter Dieu dans le temps. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. On ne doit pas se dire, on peut dire, Christ, j'ai hâte et j'espère en ton retour. J'espère ton retour, oui, ça va mal, oui, ça va mal. Mais de dire, ben voyons Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas ce qui se passe sur la terre? Dieu a déjà décrété le moment. Lui seul le connaît. Puis il faut savoir que Dieu est en Dieu. Le moment où il va arriver, ça va être le bon moment. Ça, il ne faut pas questionner ça. Ça fait que ça nous amène à devoir marcher dans la foi. Ça nous amène à devoir considérer que Dieu est vraiment grand, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. On le limite à un point que... On limite Dieu comme ça n'a pas d'allure. Là. On est limité, nous, par exemple, mais on se croit illimité. On devrait inverser les rôles. Il est ponctuel, c'est certain, Christ revient. prochaine erreur qui nous amènerait à douter du retour de Christ. On limite Dieu dans sa fidélité. Dans le même verset 4, les moqueurs disaient « Où est la promesse de son avènement? » Comme on a vu tantôt, on peut retirer deux choses de cette phrase-là. De un, il est en retard. Et deux, Dieu ne respecte pas ses promesses. Il l'a promis, il n'est pas là. Donc, Dieu n'est pas fidèle. Les moqueurs se moquaient vraiment, là. Alors, en tout cas, ils se moquaient. Ils remettaient en doute la fidélité de Dieu. Ils remettaient en doute, ils exposaient ça aux chrétiens. Mais au verset 2, ben 1 et 2, Pierre, là, de 1, ça faisait déjà la deuxième lettre qu'il leur écrivait aux chrétiens. Puis il dit, dans l'une et dans l'autre, je cherchais à veiller en vous des avertissements de votre saine intelligence, que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Jésus lui-même avait promis qu'il reviendrait. Il avait dit aux apôtres dans Jean 14 à 16, les disciples étaient tout tristes de que Jésus leur annonce qu'il s'en allait, puis il dit, « Il est préférable que je m'en aille, car je vous enverrai mon Consolateur, et lui vous guidera. » Mais il a dit, « Encore un peu de temps, je m'en irai, mais encore un peu de temps, je reviendrai. » Puis là, un peu de temps, bien, je vous expliquais tantôt que Dieu n'est pas dans le temps comme nous. Donc, un peu de temps pour Dieu, c'est vraiment... Mais les moqueurs, ils remettaient en cause la fidélité de Jésus. Jésus lui-même avait dit, « Je vais revenir à Pentecôte. » Il était tout là, regardé au ciel, Jésus qui s'en allait. Puis il était encore en train de regarder, puis là, il y a un ange qui est à côté des autres, puis... Qu'est-ce que vous regardez, les gars? Il vous a dit qu'il revenait, puis il va revenir de la même manière qu'il est parti. Fait que Jésus l'avait dit, il y avait des prophètes aussi qui avaient dit que le Sauveur viendrait, puis il viendrait régner pour l'éternité. Jésus l'a dit, et les anges l'ont dit aussi. Mais au verset 9, c'est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. » Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. De un, il n'est pas en retard, puis de deux, sa promesse, c'est une promesse, il va l'accomplir. Ne limitez pas Dieu dans sa fidélité. Je viens de te parler de... Non, OK. Mais ce qui est un petit peu troublant ici, c'est qu'on voit que la moquerie des moqueurs commençait à s'incruster au milieu des chrétiens. Parce que comme quelques-uns le croient, c'est pas les moqueurs, là. Il n'est pas en train de dire, il dit, il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, bien-aimée vous, c'est que devant le Seigneur, un jour comme mille ans, et mille ans sont comme un jour, le Seigneur ne tarde pas dans la promesse, comme quelques-uns le croient, ok, moqueurs ou chrétiens, mais il use de patience envers vous. Le quelques-uns le croient, et en sandwich entre deux vous. Fait que je considère vraiment que quelques chrétiens commençaient à considérer que Dieu est en retard, que Dieu ne respecterait peut-être pas sa promesse. La fidélité de Dieu était en cause, en tout cas. Pierre, au verset 1 et 2, comme on a eu tantôt, leur dit, hey, écoutez les amis, là, wake up, je réanime votre intelligence, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit, ce que les prophètes ont dit, puis ce que les apôtres enseignent, Christ revient, c'est certain. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu est fidèle. Il vous l'a promis. Il va le faire. Mais là, peut-être vous vous dites, ben, comment qu'un chrétien pourrait croire que Christ ne revient pas? Tu sais, quand tu es sauvé, Christ il te sauve puis il te garde dans ses promesses. Ben, écoutez les moqueurs. marcher dans leur voie, puis c'est pas si difficile que ça, de commencer à douter. Tu sais, dans les psaumes, c'est dit « Malheur à l'homme qui marche dans la voie des moqueurs, mais heureux celui qui s'assit au... » Je me rappelle plus du reste. Mais, c'est, Dieu est vraiment... Dieu nous garde, mais il nous met en garde aussi de pas négliger les mauvaises compagnies, de ne pas négliger nos faux raisonnements. Dieu est fidèle. Il faut vraiment s'accrocher à ça. Puis, il a promis qu'il revenait. Ou qu'il reviendrait, je me suis encore trompé. Il a promis qu'il reviendrait. Faut pas s'imaginer autre chose, là. Faut pas limiter dans sa puissance. Faut pas limiter dans sa justice, dans sa ponctualité, dans sa fidélité. Christ revient. Il n'y a pas de doute, c'est sûr. C'est certain, certain. On ne peut pas passer à côté de ça. Une autre erreur qui nous amène à douter, la dernière, c'est que on pourrait limiter Dieu dans sa patience. Le verset 9, encore. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dans la parole de Dieu, Dieu nous est vraiment dépeint, ou caractérisé ou attribué que Dieu est patient. La Bible dit, les prophètes l'ont dit, mais Dieu lui-même le dit à Moïse. Exode 34, Moïse s'est présenté lui-même à Moïse, Dieu s'est présenté lui-même à Moïse en disant, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Dieu est un Dieu de compassion, de bonté, lent à la colère, patient, riche en bonté. Riche en bonté, là, je veux juste faire une parenthèse. Dans l'original, en hébreu, le mot, c'est « chesed ». Le mot « chesed », c'est vraiment un mot, on peut pas le traduire. On n'a pas de mot en français qui veut dire ça. Puis, il y a la préposition « devant » qui veut dire « multiplier beaucoup, une multitude de chesed ». Ça veut dire une immense fidélité comme on ne peut pas s'imaginer. Dieu est immensément fidèle et bon et patient. Nous, on a écrit « riche en bonté » en français. C'est vraiment minime comme traduction. Dieu est vraiment là, patient, patient, patient. Et nous, on limite Dieu dans sa patience. Pourquoi? Parce que d'un fois, on attribue la patience de Dieu aux méchants. On attribue la patience de Dieu que Dieu est un Dieu patient, il tolère la méchanceté. Bien, si vous l'Exode 34, on voit bien que l'amour de Dieu, la compassion, la bonté s'étend sur 1000 générations, mais qu'il traite le coupable sur 3-4 générations. C'est pas beaucoup, là. C'est beaucoup plus de bonté que de justice, de traitement du méchant. Mais il ne traite pas le méchant. Il le traite, par exemple. Là. Il traite comme un coupable. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit patience dans la parole de Dieu, nous, présentement, en tant qu'humains, quand on dit que quelqu'un est patient, c'est parce qu'il tolère de se faire maltraiter. Il tolère des injures. Il tolère que les gens le maltraitent. Il tolère la méchanceté. Mais la patience de Dieu qui est décrite dans 2 Pierre 3, au verset 9, c'est une patience d'attente. Une patience d'attente que ses enfants, ses élus, arrivent à la repentance. La justice, la patience, je veux dire, je suis rendu à la patience. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. La patience de Dieu. Les moqueurs, ils se l'appliquaient, par exemple. Les moqueurs, autant que tu ne crois pas Dieu, en Dieu, tu es content que tu sois patient. Un petit peu d'incohérence ici, mais c'est rien que pour dire que les méchants, souvent, usent la patience qui sont déversées à quelqu'un d'autre. La patience que Dieu réserve à ses élus, les moqueurs en bénéficiaient par la bande. Parce que c'est comme, la ligne est très, très, très, très mince, j'en conviens, mais la patience est, elle a comme finalité la repentance des élus de Dieu. Que chaque enfant de Dieu que Dieu a élu, que choisi, en arrive à la repentance. C'est cette patience-là qui est évoquée ici. C'est cette patience-là qu'on limite en l'attribuant à la mauvaise personne. Les moqueurs en bénéficiaient, c'est certain. Parce que tant aussi longtemps que tous les enfants de Dieu ne seront pas arrivés à la repentance, Dieu attend son retour. Et eux, pendant ce temps-là, continuent à fêter, continuent à se réjouir, continuent à faire marcher selon leur propre convoitise, continuent à ridiculiser les chrétiens, continuent à se moquer d'eux. Ils bénéficient de la patience de Dieu, mais la patience de Dieu ne leur est pas réservée pour eux. Puis, en quelque sorte, quand que les enfants de Dieu, voulant que tous arrivent à la repentance, sa patience qui arrive à sa limite, quand plus aucun enfant de Dieu ne viendra qu'à être sauvé, et que là, son retour arrive, ils vont trouver que la patience avait des limites. Parce qu'au retour de Christ, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Tu ne veux pas être parmi les moqueurs, là. Parce que, on l'a vu, Dieu est puissant. Il garde la création actuelle pour le jugement des impies, mais aussi, ici, là, j'essaie de réfléchir, parce que le mot « consumer » me dérange un petit peu. Parce qu'il y a, dans l'original, il y a comme trois grandes classes de manuscrits anciens. Puis dans une classe, le mot était « révélé ». La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront révélées. Puis dans une autre classe, bien, il y a le Vaticanus, Textus Receptus. Textus Receptus disent « consumé ». Mais pour moi, il n'y a absolument aucune différence. Que ce soit le mot « révélé » qui soit là ou que ce soit le mot « consumé », ça veut dire la même chose. La fin va arriver. Puis si on nous dit que ce soit révélé, certains commentateurs ont dit « bien, c'est comme quand on prend le feu du fondeur, quand on dit « purifie-moi aussi pur que l'or ». Quand le feu du fondeur faisait fondre l'or, il séparait les scories de l'or et les impuretés étaient révélées. Fait qu'à la fin, quand que les œuvres qu'elles renferment seront révélées, en quelque sorte, c'est Dieu fait le ménage, il sépare ses élus. Des impies. Mais il ne faut pas limiter Dieu dans sa patience. Il ne faut pas penser que la patience de Dieu est seulement sur les mauvais, les méchants. Dieu est patient envers nous. Il attend et espère notre repentance. Il attend et espère notre conversion. C'est lui qui le fait, de toute manière. Une chance que Dieu est patient. Parce que sinon, on périrait tout le monde périrait. La patience de Dieu est vraiment attribuée à ses élus dans le texte ici. Puis il ne faut pas le limiter, il ne faut pas le cadrer. Je vais déjà passer à la conclusion, chers amis. J'espère que ce texte vous a vraiment montré qu'il faut s'attarder à la parole de Dieu. Il faut s'attarder à ce que Dieu dit de lui-même, à ce que les apôtres ont écrit qui sont véridiques et véritables sur Dieu. Il faut s'attarder à ce que Dieu a dit sur sa promesse. Christ revient, c'est certain. Le verset 10, comme j'ai lu, que je viens juste de lire, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Il va venir. Comme un voleur, là, ben on a dans les évangiles un peu des... Il y a des paraboles, puis tout ça, qui nous ont... Puis Jésus nous dit un peu, comme un voleur, là, dans la nuit, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que le voleur va venir. On ne le sait pas quand est-ce qu'il va venir. Lui a décrété qu'il allait venir. On ne sait pas le moment. Mais il revient. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la partie qu'il faut vraiment s'attarder. Il faut vivre notre vie de foi et de sanctification dans l'espérance et l'attente de son retour. Il faut vivre ça à chaque jour. Si on se met à faire comme les moqueurs, puis commencer à douter de son retour, puis plus croire que Dieu a créé la terre, puis plus croire au déluge, puis voyons donc la fin du monde, c'est une fable, ça. Voyons donc si le bon Dieu est assez méchant pour tuer et envoyer des hommes en enfer. On se met à se moquer, comme les moqueurs. Il faut vraiment se baser sur ce que la parole de Dieu nous dit, et non sur la pensée populaire. Christ revient, c'est certain. Est-ce que c'est ce qu'on entend? On a entendu parler de Christ, de Dieu. On n'entend plus parler, ils veulent les sortir de partout, société laïque, en tout cas au Québec. Par chance qu'il y a des pays qui continuent encore à croire en Dieu plus qu'au Québec, Canada. Mais ce n'est pas la pensée populaire, ce n'est pas la pensée qu'on a aujourd'hui. Il faut vraiment s'accrocher à ce que la Bible nous dit. Est-ce qu'elle, elle a véridique ça, c'est vrai? Il ne faut pas chercher à essayer de trouver notre bonheur ici sur terre. Ce n'est pas ici qu'il va être. Il va être dans l'éternité. Parce que quand on s'attarde trop au terrestre, on perd le céleste. On perd le spirituel. On perd la notion. Tout le monde a la notion d'éternité dans la tête. Dieu l'a mis en nous. Mais on ne fait pas comme si. On ne vit pas comme si. On le sait qu'on va décéder. On le sait qu'on va mourir. Puis on est tous frappés, stupéfaits de la mort. Pourquoi? Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. En quelque part, on le sait que c'est comme pas normal. Mais si Dieu a mis cette pensée d'éternité en nous, là, consacrons-nous à cette éternité-là plus qu'au terrestre. Oui, on peut jouir des bénédictions que Dieu nous donne, mais c'est les ombres des choses à venir. Il ne faut pas les banaliser. Jésus a souffert gratuitement. Pour nous, gratuitement. Pour lui, au prix de sa vie. Au prix de la séparation d'avec son Père, présence de Dieu qui jouissait depuis toute éternité. Éternité qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est. Aucune personne d'entre nous aurait pu se payer cette entrée-là au ciel. Puis il n'y a personne d'entre nous qui va être capable de le faire. On peut être certain que Dieu va revenir, que Christ va revenir. C'est certain. Il nous l'a annoncé. C'est une promesse. Il ne faut pas passer à côté de ça. La personne qui attendait ici devant l'entrée du cinéma, je sais que le cinéma n'existait pas quand Jésus est mort à la croix. Mais c'est Jésus, là, en mourant à la croix. Là, je vais vous amener une image. Là. J'espère que je ne vous choquerai pas. Il a imprimé plein de billets d'entrée au ciel. Il savait qu'il allait revenir. Il sait qu'il va arriver au bon moment. Le billet, là, il est déjà écrit. Il connaît ses enfants. Il va les amener à la repentance. Mais ce billet d'entrée-là, il est gratuit. La personne, tantôt, qui attendait devant le cinéma et qui n'avait pas d'argent sur elle, puis qui se disait, « Hey, je ne pourrais même pas rentrer au cinéma, je n'ai pas d'argent sur moi. » Bien, Christ, en mourant à la croix, a payé le prix d'entrée. Puis il sait que il revient. Fait qu'il n'arrivera pas comme un voleur. Oui, il va arriver comme un voleur, mais il ne surprendra pas personne. Là, à, ah ben écoutez, ça fait 2000 ans que je suis décédé. Je vous l'avais dit qu'il fallait que vous croyiez en moi. Il l'a annoncé d'avance, c'est quoi qu'il fallait faire pour avoir notre place au ciel. Il nous l'a annoncé déjà d'avance. Il dit, croyez en moi. Croyez que je suis mort pour vous. Prenez-le, le billet que je vous ai imprimé. Puis sur le billet, en plus, là, si on regarde dessus, là, c'est écrit, moi, Jésus, je suis puissant, juste, ponctuel, fidèle, patient. Je reviens bientôt. Ceux qui ont déjà fait profession de foi, ceux qui ont déjà accepté Christ dans leur vie, je vous invite à ressortir le billet de vos poches de temps en temps et de le lire. Christ, Jésus, est puissant. Il est juste. Il est ponctuel. Il est fidèle. Il est patient. Il revient bientôt. En son temps à lui. Ceux qui ne sont pas certains ou qui se disent, je ne sais pas trop comment faire pour accepter Christ dans ma vie. Vous vous agenouillez devant lui. Vous lui dites, je ne suis pas capable de... Malgré qu'il est gratuit, ton billet, là, je ne suis même pas capable de m'en procurer un. Il faut s'accepter vaincu. Il faut s'humilier devant lui. Il va vous en donner un. Christ revient, c'est certain. Merci.